Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 3 courant un message de consolation au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a exprimé les condoléances au maréchal Kim Jong-un et au gouvernement, peuple et victime de la République populaire démocratique de Corée, au nom du peuple syrien et de sa part, à propos des grandes pertes humaines, matérielles, de l'infrastructure, etc., à cause de l'inondation dans la province du Hamgyon du Nord. Il a formulé de profondes sympathies et solidarité au peuple coréen ami sinistré et s'est convaincu de la construction et du développement continu de la République populaire démocratique de Corée en surmontant cette épreuve sous la direction éminente du maréchal Kim Jong-un.